maman passe à rivière sans fond. Si moi réfléchis, mais qu'est-ce ça parlait? Mangez-moi la force du courage pour avancer. Et faudrait m'en bon la force. Joli joli c'est ça. Yeah.